Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Mag et très belle année à l'écoute des programmes de Radioactive. Et pour ce premier rendez-vous de 2026, on va parler d'un événement culturel de l'Est Tourangeau qui aura lieu à Azé-sur-Cher et plus exactement à la Touline, troglo emblématique et bouillonnant de culture qui accueillera les 15 et 16 janvier prochains un artiste à part dans le paysage de la chanson française, Jérémy Bosson. Deux concerts en duo, deux rendez-vous rares, intenses, pour découvrir ou redécouvrir un véritable ovni artistique. C'est moi, là, sirotant mon vin, tombé de zénith en nadir. Moi qui me prétends écrivain, eh bien ce soir, j'ai rien à dire. Je jette une pièce à la patronne, et puis j'attrape ma veste en cuir. Un client fait « Bonne nuit, Bosson ». Je réponds rien, j'ai rien à dire. Jérémy Bosson, c'est une voix atypique, une écriture tranchante, un goût viscéral pour les histoires et une présence scénique qui ne laisse jamais indifférent. Récompensé à de nombreuses reprises, prix SACEM, prix Adami, Pic d'Or, entre autres, il s'impose dès 2015 avec son premier album « Gloire », salué par un coup de cœur de l'Académie du disque Charles Cros. La suite est bien détournée des premières parties prestigieuses comme celle d'Arnaud, d'Yves Jamais ou encore de Camélia Jordana ou des Hurlements de Léo, et une presse unanime qui le décrit comme le chaînon manquant entre Brel et Noir Désir ou encore la fusion entre Rimbaud et Dylan, des formules flatteuses que l'artiste lui-même qualifie avec humour de pas mal mais réducteur. Trois albums tous salués par la critique, Les Mélancolies Pirates, Le Décembre Italien, et même un roman, Crimson Glory, lauréat du premier prix littéraire 2019, Jérémy Bosson est donc créateur total, libre, incandescent. Pour nous parler de ces deux soirées à venir et de cette rencontre artistique, on écoute Richard Violante, programmateur du Troglo de la Touline, qui nous en parle. Jérémy Bosson. Alors Jérémy Bosson, l'anecdote, c'est que lui, il nous a téléphoné un jour en nous disant « Je ne comprends pas. Tous mes copains sont passés à la Touline et moi, j'y passe pas. Mais pourquoi ?» Donc, moi, j'ai regardé beaucoup sur Internet, je l'ai suivi. Il était déjà dans mes tablettes. Puis, après le coup de fil, j'ai craqué. Je me suis dit, il faut qu'il vienne. Voilà, il faut qu'il retrouve ses copains ici. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'il y ait des copains, lui, qui viennent ce jour-là. Donc, voilà, c'est alors très belle écriture. Comme toujours, on est sur l'écriture française, hein, c'est pas par chauvinisme, hein, c'est parce qu'on la comprend tout simplement et qu'on a besoin de comprendre le sens des mots pour savoir aussi le sens de nos propres vies, hein, parce que si on n'a pas le langage, on n'a rien. Le langage nous permet d'avancer et Jérémy nous le montre. Il a un magnifique langage, il a une magnifique écriture, c'est de la flamboyance, de l'éclat. Il a cette particularité aussi, c'est de mélanger plusieurs styles de musique, hein. Il est capable de dire de la poésie, de faire du slam, de rapper, mais aussi de faire de l'électrique et de revenir à quelque chose d'acoustique. Donc c'est un navigateur des temps modernes au milieu d'un espace qui est une grande plaine de différents styles musicaux, de différentes origines. Donc voilà, pour moi, il représente un peu cette jeunesse d'aujourd'hui qui est nourrie de plein de racines, en fait. Voilà, donc il va pomper un peu tout ça, toutes ces racines-là, et il en fait une sauce à lui. Et c'est un chanteur merveilleux, bien accompagné au clavier et aux platines. Donc c'est vraiment, ça va être un moment de charme et éclatant. 15 et 16 janvier, deux dates à ne pas manquer avec Jérémy Bosson pour démarrer l'année avec des mots forts et une émotion brute dans un lieu qui s'y prête à merveille, la Touline à Azé-sur-Cher. Attention, la réservation est indispensable au 02 47 50 43 84, 02 47 50 43 84 ou par mail latouline37@gmail.com. Restez avec nous, la musique continue et 2026 ne fait que commencer. On écoute, pas au hasard, Jérémy Bosson avec le titre Patricia. À demain pour un nouveau mag. J'avoue parfois j'explose. Le kiff j'en veux ma dose. Mon cœur ne soit pas triste, y'a tout sur cette petite planète bleue. Sous la colère d'un ciel qui pleut. Non mon cœur ne soit pas triste, y'a le beau sourire de Patricia. Patricia, ma patrie Patricia. Jamais de route que tarifée, jamais de coupe à l'arrivée. J'avoue parfois j'explose. À qui s'en vont les roses. Mon cœur ne soit pas triste, y'a tout sur cette terre en feu qui gronde. Sous les promesses de fin du monde. Non, mon cœur ne soit pas triste, y'a le beau sourire de Patricia. Patricia, Patricia, Patricia. Tiens à toi cette étoile, un sourire sur mes doutes, sur les barres que je bouffe. Et je prends des coups de poing, des coups de poutre. Et j'en ai rien à foutre. Je me relèverai parce qu'il y a tous des soleils en Patricia. Patricia, Patricia, Patricia, Patricia, Patricia. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.